Tu m'en veux un mort, mais voilà que c'est clapieux. Sur la vie de ma mère, dis leur voilà que c'est clapieux. J'finis pas quatre pattes, pour moi t'es pas prêt. Bien évidemment, j'vais tout péter. Bah ouais, pote, tu connais le scénario. J'finis pas quatre pattes, pour moi t'es pas prêt. Sur la vie de ma mère, dis leur que c'est claqué. Bien évidemment, j'vais tout péter. J'ai fait la maligne, il a failli me tuer. J'crois que j'ai trop la bouche, il a failli me tuer. Dis-moi comment on fait quand c'est cramé. Mais si tu veux jouer, j'vais te choquer. Wesh, wesh, en direct c'est la S. J'ai plus d'amour à donner, en direct c'est la S. Toto wesh, wesh, mon cœur est en détresse. Wesh. J'avais cramé que le gars mentait. Comment on fait si j'suis pas cordassé? Dis-moi comment, j'suis pas dans ta tête, j'peux pas deviner. Tu m'en veux à mort, mais voilà que c'est clapieux. Sur la vie de ma mère, dis leur voilà que c'est clapieux. J'finis pas quatre pattes, pour moi t'es pas prêt. Bien évidemment, j'vais tout péter. Tu connais le scénario. J'finis pas à quatre pattes, pour moi t'es pas prêt. Sur la vie de ma mère, dis-leur que c'est claqué. Bien évidemment, j'vais tout péter. J'ai pas le temps, mais non j'veux pas. Tu captes pas, baby baby j'veux pas. Mes cheveux la totale, mais non j'veux pas. Pour moi c'est mort, j'ai dit non, non, non. J'ai dit pardon, faut calmer tes ardeurs. J'ai dit pardon, faut aller voir ailleurs. J'ai dit pardon, faut calmer tes ardeurs. Allez pardon, faut aller voir ailleurs. J'avais cramé que le gars mentait. Comment on fait si j'suis pas cordassé? Dis-moi comment, j'suis pas dans ta tête, j'peux pas deviner. Tu m'en veux à mort, mais voilà que c'est claqueux. Sur la vie de ma mère, dis-leur voilà que c'est claqueux. J'finis pas quatre pattes, pour moi t'es pas prêt. Bien évidemment, j'vais tout péter. Bah ouais, pote, tu connais le scénario. J'finis pas quatre pattes, pour moi t'es pas prêt. Sur la vie de ma mère, dis-leur que c'est claqué. Bien évidemment, j'vais tout péter. Pas prêt. Ah, ah, ce que tu fais c'est claquer. Ah, ah, tu veux pas m'écouter, je vais devoir écouter. Hey, hey. J'ai dit pardon, faut calmer tes ardeurs.